des musiques qui donnent à croire à la tendresse, sourire et à l'espoir. Mais n'oublie pas les souffrances, les horreurs et les atrocités poussées par les truqueurs. De ta pauvreté.